Compliment pour maman ferme, mais femme ça pas son signe. Haïti, maman chérie, va me chercher pour nous jouir la vie. Compliment pour maman ferme, mais femme ça tous pas son signe. Haïti, maman, va me chercher pour nous jouir la vie. Haïti, maman, va me chercher pour nous jouir la vie. Qu'est-ce que la joie?